À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. La vérité, je jure, mon parcours rempli de filature. La vie saute là comme cette clôture. Il m'a donné du fil à retard. Fermez leurs yeux, ça fait leur cœur. Dans ce système, je suis en retard. Ma vie, c'est comme un film à cœur. J'ai pas envie de finir en terre. Dans ce putain de rôle, je suis docteur. Mon objectif, soigner l'état. Parce que tout le monde est d'accord, faut qu'on les baisse, foncer dans le tas. Dans le pain, ça fait son groupe. Et tout, c'est pas atteint. La vie, y'a peu d'amour, rajoute-toi de là. À Saint-Valentin, à l'étape où j'en suis dans mon expérience. Difficile qui me disent à l'étape. Des bêtises, c'est peu d'espérance. Frères qui périssent, ils font que nos valeurs pourrissent. On vit dans l'ignorance. Et dans le vice de la police. À sortir chez le somme contre tous ces bâtards, faut que je les saigne. Maritime scène, maritime scène, maritime scène. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On vit dans l'ignorance, les mensonges et l'hypocrisie. Depuis notre enfance, dans les songes, mais sans poésie. Moi, tout bonheur, j'en vois pas ici. Ça me cœur quand je vois que ça s'installe, change d'un heure contre le vice de la piscine. On vit dans l'ignorance, les mensonges et l'hypocrisie. Depuis notre enfance, dans les songes, mais sans poésie. Celui ça, la plupart des gens peuvent plus s'empêcher. Se vanter de leur défaut, se vanter de leur péché. La rue te coupe ton cordon ombilical. Se passer pour la belle école. Mais quand ce mec de 40 balles est calme, défoncé par le vice dans la colle, mon petit chétan tirican. Localiser la source en 2005, c'est pas évident. Ce qui me rend tutin, c'est qu'en plus on vit dans un monde sans confidence, gouverné par l'influence terne. Et le silence tourne, il nous entoure et nous enterre. Étant donné qu'ici personne n'épargne le moindre détail. Alors les jeunes et moi, leurs soucis dans des teignes. Détecter la source en 2005, c'est pas évident. Ce qui me rend tutin, c'est qu'en plus on vit dans. Sors tes chez le somme contre tous ces bâtards, faut que je les saigne. 76 maritime scène, taritine scène. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On vit dans l'ignorance, les mensonges et l'hypocrisie. Depuis notre enfance, dans les songes, mais sans poésie. Moi, tout bonheur, j'en vois pas ici. Ça m'écœure quand je vois que ça s'installe, change d'un heure contre le vice de la piscine. On vit dans l'ignorance, les mensonges et l'hypocrisie. Depuis notre enfance, dans les songes, mais sans poésie. Celui ça, la plupart des gens peuvent plus s'empêcher. Se vanter de leur défaut, se vanter de leur péché. On vit dans l'ignorance, les mensonges et l'hypocrisie. Depuis notre enfance, dans les songes, mais sans poésie. Moi, tout bonheur, j'en vois pas ici. Ça m'écœure quand je vois que ça s'installe, change d'un heure contre le vice de la police. À sortir chez le somme contre tous ces bâtards, faut que je les saigne. 76 maritime scène, taritime scène. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?